une petite chose, ربما ينتحر. أنا سأ مجرم لا قد إيمان. Une petite chose, ربما licenciement, ربما divorce. Il licencie. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. S'il se fait licencier, لعل c'est un خير. Il trouve un travail meilleur, il applique son دين أكثر. أو il divorce. ربما il était marié مع فاسقة, مع مجرمة. Et il se remarie avec une saliha, c'est un khayr. Amma al-kafir, la yasbir ala hadhi al-umur. Limada? Léana lui manque ce point, l'iman billah. Qala wa yatalakawna al-makarih wal-madar wal-ham wal-gham bil-muqawama. Ta'amman. Il a cité le cas du mu'min. Comme a dit le Nabi sallam, ajaban li amri al-mu'min. Il va citer le hadith. Ajaban li amri al-mu'min. Il a cité le cas où il est touché par des choses qui le rendent heureux. Yashkur. Et il s'efforce à faire plus de ijtihad. Il reconnaît la ni'ma. S'il peut faire partager aux autres, il fait partager. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala akramahu bil ilm. Il fait ta'wa, il fait partager, il montre. Ni'ma. S'il est touché par makare, ta'amel le mouqif qu'il va avoir. Limada li anna illa l'an huwa cette chose. Al-ilm, al-iman, al-sabr, al-amal al-salih. Tout ça, bi'innil azza wa jal, ça l'aide à ne pas s'égarer. À ne pas baisser les bras. Qala azza wa jal wa al-asr. إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان اللي في خسر يبقى صبر. ما من إنسان يبقى صبر. إلا هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنه تخفيفه. نعم. المؤمن يبقى جامد يبقى غدا. Il ne doit pas baisser les bras, même s'il lui arrive un jour de flancher, de baisser les bras, il se reprend. T'es éprouvé par une chose, essaye de khaffaf. Essaye de repousser cette chose totalement. Si tu n'arrives pas, au moins tu khaffaf. Prends l'exemple de la maladie maintenant. Là, il y a tous, tu baisses les bras. Tu baisses les bras et tu te laisses aller. Là, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a ibad Allah, tadawou. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme une ayah, il montre qu'on n'a pas le droit de se suicider. Voilà, taqtulou anfusakum. Tuqawim, al-muqawama, c'est se battre. Faire face. C'est mohim, hada. Jamais les baisser les bras, que ce soit en face d'un adou, que ce soit en face d'un mubtil, un mubtadi', que ce soit en face d'une épreuve, maladie, pauvreté. Ah, ben, tu baisses les bras. Tu fais ce que tu peux, tu arriveras à un stade bi'idnillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera une issue. Oma yittaqillah, yaj'al lahu makhraja. Lakin, avant ce makhraj, Allah il t'éprouve. Fasbir. Et qawim. Qala wa takhfif ma yumkinu wa takhfifu. Ça montre qu'il y a des épreuves, masa'ib. Tu n'arriveras pas à les enlever complètement. Là, c'est une épreuve. Donc, pas mal tout khafif. Khafif, c'est une ni'ma. Un takhfif, ce takhfif, c'est une ni'ma min Allah. Et un allègement dans ton épreuve. Qal wa sabr al jamil lima laysa lahum anhu bud. Il y a des choses, tu n'as pas le choix. Tashbir. Liyada qal laysa lahum anhu bud. Tu n'as pas le choix. Allah est éprouvé bi hala. Maintenant, une maladie. Tashbir. Tashbir. Ça ne partira pas du jour au lendemain. Illa yasha Allah. Si cette maladie elle dure, tashbir. لا بد من هذا الله يتقبل قال وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمورا عظيمة تضمحل معها المكاره صحيح الذي يحتسب par rapport à cette épreuve في الحقيقة الأجر qu'il est en train de gagner ce مؤمن يحتسب لأنه patient il sait qu'il est éprouvé maintenant il prend la maladie il est patient. Il sait qu'Allah il l'éprouve et il ne dit pas des kalam, des mauvaises paroles, sakhat, ou il insulte, ou il se plaint, abadan. Il patiente et il ihtasib. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui veut du bien, limada, liannahu c'est un mu'min. Hada l'an il est ma'jour, fa fil haqiqa le ajr qu'il a par rapport à cette musiba. La musiba fil haqiqa ça n'a rien à voir avec le ajr qu'il a. Fa fil haqiqa même dans ce ta'b, dans cette musiba, dans ce ibtila, il est à la khayr. Et avec cette explication, tu comprendras le hadith qui va citer l'âme. Qala, wa tahil mahalluha al-masar wal-amal al-tayyiba. Na'am. Cette tristesse, ce ta'b, avec l'ihtisab et la patience, mais idnillah, il est remplacé par l'espoir, par le farah, par le khayr. Qala, wa tama bi fadlillah wa thawabihi, kama abbara al-nabiyu, sallallahu alayhi wa sallam, an hadha, bil hadith al-sahih, annahu qal, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kulluhu khayr. عجبا لأمر المؤمن صحيح صو أمر لعجيب مؤمن كواك لي أغيبي لفي خير بشرط الاحتساب الإخلاص أما celui qui patiente pas بعض الناس il patiente pas مثلا la maladie ou l'annonce de la mort d'un proche هؤلاء لا هؤلاء ils sont في إثم بعض الناس والعياذ بالله disent du كفر il s'énerve maintenant, il insulte hatta Allah, il insulte le dîn, c'est un kafir. لكن هنا عجبا لأمر المؤمن الذي يصبر قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة معروف أن مر النبي صلى الله عليه وسلم مر على مرأة هي البلوغي دفع القبر يلو يدي اتق الله واصبري يلو يدي répondu elle savait pas que c'était le رسول عليه الصلاة والسلام elle lui a répondu أنه il ressent pas ce qu'elle est en train de vivre elle savait pas elle que c'était le رسول ثم ils l'ont informé ils l'ont dit يا فلانة هذا c'est le رسول. Elle est partie le voir. Elle lui a dit, je ne savais pas que tu étais le Rasoul. Il lui a dit, as-sabru inda sodmatil oula. Il lui a démontré, elle c'est trop tard. Elle aurait dû patienter au départ. Al-Muhim, c'est au départ. Amma ba'd, katir minan nas, il est éprouvé. Tomma une semaine après, un mois après, il dit, c'était une épreuve. Là, s'il n'a pas patienté, Obama a dit, kalam, il n'est pas taillé. Ben, il est athen. As-sabru inda sodmatil oula. Et c'est ça, sabr. Amma, au bout d'un mois, un an, tout le monde patiente. Comme il y en a, ils sont éprouvés par une maladie, par la perte d'un enfant. Au début, Mayasbir, tout le monde, au bout de 6 mois, 1 an, halas. C'est pas un sabr, hada. Il n'a pas de sabr. Là, le sabr, c'est fi sodmatil oula. Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr. Ou inna amrahu kulluhu khayr. In asabatu sarra. Avec quelque chose qui le rend heureux. Ça vient du surur, sarra. Quelque chose qui rend heureux. Shakara fakana khayran lah. Hada wadih. Il est touché par quelque chose qui le rend heureux, un enfant ou autre. Yashkur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un khayr pour lui. Qala wa in asabatu al-dharra, ça vient de dharr, aya mal. Sabara fa kana khayran lah. Il patiente, c'est un khayr pour lui. Wa al-haqiqa al-mu'min il est fi khayr. Lakin, la budd hada al-sabr fi al-sudmati al-oula. Qal wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min, rawahu muslim. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن لأن الكافر اللي في شر الكافر اللي في ضيق الكافر اللي لابد إيمان سيعمله سواء مقبول يpatient أو لا كما قال عز وجل اصبروا أو لا تصبروا اصبروا أو لا تصبروا يصير في النار يpatient أو يpatient pas يصير في النار الكافر فهذا خاص pour le مؤمن ça montre l'importance de l'iman أما الكافر ما بالك ولو il est prouvé maladie جوع فقر et il patiente, tout ça, ça ne sert à rien du tout. Il sera fait nar, s'il meurt à la kufri. قال فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره غنمه أي أجره وخيره لعله غنمه ça vient de الغنيمة أي أجر حسي فغنمه كأنه نعم سو أجر قال وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرق من السرور والمكاره نعم يتضاعف المؤمن إليه في خير عظيم لا في سي هكذا إما تيغو إما تمالغو إما تفي نعمة إما تفي نقمة dans les deux cas المؤمن إليه في خير dans les deux cas حقيقة ce حديث في الحقيقة يكفي t'as une épreuve rappelle-toi de هذا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء فشكر كانت خير له أصابته ضراء فصبر فكان خير له أو خير له حقيقة هذا الحديث اللي مهم جدا فسأفعلين دو perdre son calme دو stressé بعض الناس يسنرف يلانسلت يطعن سأفعلين tout c'est بقدر الله الله était éprouvé cette épreuve tu l'auras الله il a décrété فاسلم نحن on doit apprendre à tirer des bénéfices des fruits des épreuves. Maintenant, t'es éprouvé. Maintenant, قدر الله, Allah subhanahu wa ta'ala, il reprend ton enfant, il meurt. قدر الله. ماذا تفعل? Il est mort, خلاص, tu ne pourras rien faire. Autant profiter de cette épreuve. تصبر, tu fais du'a. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, cet enfant qui meurt, qui est mort, il te fait shafa'a yawm al-qiyamah, premier fruit. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne un enfant salih. Allah, il se remplace par quelqu'un de meilleur. Deuxième fruit. Troisième fruit, tu prends l'habitude d'un tas des épreuves. Si tu as perdu ton enfant, et tu patientes, pas autre chose, ça sera asal. Al-mu'min yata'awad avec les épreuves. Hada, c'est un ma perdre son calme, insulté. C'est alik. Wallahi, c'est alik. Khasatan al-awam, masakin, ils ont des aja'ib fi hada. Qala li hada tajid itnayn. Il donne un exemple là. Li hada tajid itnayn. Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi, il dit c'est pour ça que tu trouves deux genres de personnes. Qala tatruquhuma na'ibatun min nawa'ib al-khayr wa ash-shar, fayatafawatan tafawutan 'azima fi talaqqiha wa dhalika bihazm tafawutihima fi al-iman wal 'amal as-salih. Sahih. Deux personnes, ils ont la même épreuve. Hada, son enfant, il meurt. Hada, son enfant, il meurt. Tu trouves Hada, il a l'iman, amal salih, sunna, ilm. Inch'Allah, il sort encore plus grand de cette épreuve. Il patiente, c'est un khayl pour lui. Un autre, tu le trouves, il a perdu son enfant et il perd beaucoup. Rupama, il perd son din. Tellement qu'il désespère, il désespère. Il aussi, Avan Billah Azzawajal, Rupama, il insulte. Rupama, il croit que son enfant, il a été enlevé injustement. Tout ça, c'est du kufr. Et Rupama, il retête ba'dahum, biwudouh. Deux personnes, deux mêmes épreuves. Wahed, il sort des fruits bénéfiques. Allah, il l'élève. Un autre, il perd tout. C'est quoi la différence? C'est deux êtres humains. C'est deux hommes. Rupama, ils ont le même corps, la même force. C'est quoi la différence? C'est le cœur. Hada il est ala iman ou hada il est ala dha'f iman ou il n'a pas d'iman. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala tafawutihima bil iman ou l'amal salih. C'est ça la différence. Donc toi, ayyuhal mu'min, tes efforts placés dans ces deux choses. Tata'ajjab ba'da nas pour avoir une vie heureuse, il gaspille des millions. Il gaspille du temps et il délaisse les deux fondements, l'iman ou l'amal salih. C'est ça, si tu as une vie heureuse, donne du temps à ça. L'iman ou l'amal salih, c'est pas une étiquette. Là, c'est lié avec l'ilm. Si tu n'as pas d'ilm, l'iman il va être fondé sur nada. Qu'est-ce que les gens prétendent que c'est des mu'minin? Hatta les Yahoud ou les Nasara, ils prétendent que c'est des croyants. C'est mina kfar al-nas. C'est min sharr al-bariyya, comme il a informé Allah Azza wa Jal. Ce iman il est fondé sur l'ilm. Fa'anta, ne pense pas que c'est une étiquette. Ou c'est. Faqat c'est nasab. Mon père c'est un musulman mu'min, donc moi je suis un musulman mu'min. Abadan. L'iman c'est ma waqara fil qalb. Wa saddaqahu l'amal. Comme a dit Ba'd al-Salaf. L'amal al-salih kadalik. L'amal al-salih c'est pas ce que tu penses toi. Ou ce qu'il a fait ton père, ou ce qu'ils font dans ton pays, ou ce qu'ils font les gens. Là, al-amal al-salih, c'est ma wafaqa sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasoula. C'est ça l'amal al-salih. Al-an, pour parfaire ces deux points, al-iman ou al-amal al-salih, bel pour les authentifier, kadhalik, la bud min ilm. L'importance de talab al-ilm, hatta pour l'awam. Talab al-ilm, c'est, comme a dit le hadith, talab al-ilm farida ala kulli muslim. Et le fort, c'est ça. Connaître sa aqida, connaître son iman et l'amal salih. Maintenant, on est en période de siyam. Al-siyam, il a des chouroutes. Al-siyam, il a des annulations. Al-siyam, il y a des choses mustahabba. Il y a des choses, ça ne fait aucun mal à ton siyam. Le musulman, il doit apprendre ça. C'est ça l'amal salih. Tu as de l'argent. Ça fait un an que cet argent, elle n'a pas bougé. Tu dois sortir zakat. Si la somme, elle est balagat al-nisab. Tu as de l'argent, c'est bientôt la période du hajj. C'est ça l'amal salih. Avec toutes ces choses, mais ibnillah, tu auras une vie heureuse. Amma, pas de zakat, alors que tu as de l'argent, pas de hajj. As-siyam, il fait siyam, rubbama, il fait pas salat. Rubbama, il croit qu'Allah, il est partout. Rubbama, il croit que sorcier foulain, il peut l'aider. Rubbama, il croit que ce mort, s'il lui demande, il lui répond. Aïn al-iman, aïn al-amal salih. Tu le trouves, il est fidrik. Il croit qu'il a l'iman. Lakin, c'est min ab'ad al-nas an l'iman. Ce iman, il a des contradictions. Là, tu fais attention, akhi al-muslim. Ce iman, il a des piliers. Là, tu les concrétises. Anta. Ce iman, il a des shurouts, il a des conditions. Hada, la bud min al-ilm. Il va prier sur hada, rahmatullah alayhi. Il va citer hada, la shak. Qala, wa hada al-mawsouf bi hadayn al-wasfayn. Aïe, al-iman wa al-amal al-salih. هذا الموصوف بهذين الوصفين أي celui qui a ces deux caractéristiques الإيمان والعمل الصالح قال يلتقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار صحيح. Celui qui fait des efforts, ces deux points, l'iman ou l'amal al-salih, il sera apaisé, heureux, il a un but dans sa vie, il a une épreuve. Tu peux être triste, tu peux être énervé, mais tu le trouves, il est à la khayr, il est à la thabat. Et le meilleur moyen de comprendre hada, étudier sirat al-anbiya wal-rusul, wal-sahaba wal-salaf al-salih. كم des épreuves ابدا نحن نصبر عليها ابدا لماذا لانه on a pas leur force dans ces deux points l'amal salih ou l'iman لكن eux vu qu'ils ont atteint un niveau azim dans ces deux points iman ou amal salih des épreuves عجيبة. Ibrahim عليه الصلاة والسلام il est rejeté par son peuple son père et tous إلا جد في النار يصبر يصبر. موسى عليه الصلاة والسلام إلي expulsé de مصر, فرعون avec son armée ils veulent le tuer, le poursuivre, يصبر حتى الله سبحانه وتعالى lui a donné le faraj. النبي صلى الله عليه وسلم son peuple il le rejette, il l'insulte, كذاب مجنون ساحر, il est rejeté de Mecca, أحب الديار إليه. C'était la meilleure terre pour lui, Mecca. Il aimait Mecca. Il a été forcé de la quitter avec tout ça, sabr. Sabr, ce qu'Allah fataha alayhi. C'est quoi l'âne qui fait la différence? C'est l'iman ou l'amal salih. Wallah, c'est pas le quwa, c'est pas le zaka, c'est pas l'argent. C'est ça. C'est l'iman ou l'amal salih. Et tout tourne autour de ça. Dès que tu as concrétisé hada, tu es à la khay. Lakin, délaisser ces deux choses et se préoccuper avec l'ahwa, avec l'adhaya, hada, ça te fera du mal, akhil karim. قال والآخر يتلقى المحاد بأشر أو بأشر وبطر وطغيان فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بشجع وهلع. صحيح. Celui qui délaisse ces deux points, l'iman ou l'amal al-salih, et il veut ses bienfaits de dunya, il veut se faire plaisir, il devient comme une bête. صحيح. Les bêtes الآن ils ne font pas partie des mukallafin. Enfin, le but de la bête, c'est de manger, dormir. Ma'rouf, une bête. Al-kafir qui délaisse l'iman ou l'amal al-salih, il devient comme cette bête. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il les a qualifiés, ils sont comme les bêtes. Bal adhallu sabila, qala azza wa jalla. Bal, ils sont pires. Il y en a la bête, elle fait que ces choses, manger, dormir, se reproduire. Allah, il l'a créé pour ça. Et elle reconnaît le Rabb. أما الإنسان لا بايت كريك بحصة أبدا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلهذا البهيمة لأفضل من الكافر. قال ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب أبدا. والله الكافر اللي في ضيق ولو الأموال القصور توسع والله يسون قلبي لبا مستريح. لا بخوف سيبار لولي دلامور وتي فيراك سون فيزاج يشانج. Un kafir parle-lui de la mort. Il est toujours dans une optique de rajout, il veut te tenir. Quand tu lui cites la mort, il sait que la mort elle coupe tout ça, il le sait. Le kafir il ne renie pas la mort. Mais il se rassure. Il se rassure. Dès qu'un hadith meurt, il se repose en paix, il est dans les cieux, c'est kadib hadali finnar, c'est un kafir. Lakin, dès que tu lui parles de la mort, il sait très bien lui. Il a un doute, il ne sait pas ce qui se passe après. Et il a peur, ça le coupe. C'est que tu lui parles de la mort. Allah, wajhu yataghayyar, walaw il a des milliards. Qala wa qalbu fa innahu ghayr mustarih al-qalb. Bal mushattatahu min jihat adida. Mushattat min jihat khawfihi min zawal mahbubatih. Ça c'est hal al-kafir al-mujrim. Kadhalik du'afa al-iman. Ceux qui ressemblent au kuffar, min al-muslimin. Ils ont un iman dhaif. Ils ont peur. Pour plusieurs raisons. Ils ne sont pas murtah. Limada. Qala, awalan, qala, mushattat min jihat khawf. Khawfihi min zawal mahbubati. Il a peur que cette chose, elle part. Maintenant, il a une voiture. Maintenant, il a de l'argent. Ashad ma yakoun alay, c'est que cette chose, elle disparaisse. Alors que le mu'min, qawi l'iman, yasbir. Si cette voiture, elle disparaît, accident autre, inshallah, il y aura une autre. Lakin, al-mujrim, la yasbir. قال ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى. C'est ça مشكلة مصيبة الدنيا الآن. الآن cette personne qui fait pas attention, pas d'iman, pas d'amal salih, et il rentre dans la dunya avec quoi? Il veut toujours. C'est pour ça qu'on a dit ils sont dans une optique de toujours d'augmentation. Il faut rajouter. À dunya الآن il pourra pas tout avoir. الآن il va avoir une voiture, il va après il veut une deuxième, après il veut une troisième. Vous le voyez Hada avec les drogues. Il commence par des drogues, ce qu'ils appellent douces. C'est du champ. Mais il les appelle Hakada. Thomas une autre, Thomas une autre. Thomas yahlik nafsa. Hakada. Hakada. Dunya les Hakada. Si tu rentres, tu ne fais pas attention, tu voudras toujours plus. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple avec Al-Wadi min Dahab. Il a un Wadi, il veut Wadi, il veut Salat. Et il ne s'arrête plus jamais. Thomas yatra. Yatra à cause de l'mal. Inna l'insan ala yatra, ra'ahu stagna. هذا ثم يفيد الظلم ثم يهلك il oublie son dîme. قال قد تحصل وقد لا تحصل. صحيح. Il peut avoir plus, ça sera une épreuve, et Allah il peut l'éprouver, il n'a pas plus. S'il n'a pas plus, il يفشل. Alors que le mu'min là, le mu'min il a ce qu'on appelle القناعه والعفه, il patiente et il accepte ولا aussi un peu. قال وان حصلت على الفرض والتقدير فهو ايضا قلق من الجهات المذكورة ولو تلويدن سكتلويدن إسوغا في قلق لأنه سي دار الدنيا et Allah subhanahu wa ta'ala il a démontré à celui qui délaisse هذا الدين يسكح il sera في ضيق اقلب ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى الشاهد معيشه ضنكا اي ضيق si c'est carte du din il peut avoir des milliards قال ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة اي والله je le vois في الكفار ils ont une vie elle est triste et c'est un تعب نعوذ بالله ils ont aucun but لا تغتر tu les vois احيانا sourire faire la fête والله ils sont في ضيق et celui qui rentrait dans un bayt de kuffar يعلم هذا tu rentres tu sens le ضيق ils sont في ضيق c'est des kafara ils ont aucun but ils ont aucun but والعياذ بالله قال ومن الأمراض الفكرية والعصبية كم منهم إذن سمالدي الآن هذا إلى الجابت هذا إلى تعلمون أن بعض الكفار إذن سمالدي نعوذ بالله لوساوس منهم إسلاف 50 فضل جوني منهم واحدة مرة صلى الله عليه واحدة مرة لغن مالدي الله تلاها كافرة مجرمة على إن مالدي أنها لا تبقي son enfant والله لا تبقي son enfant أنها لا يوجد enfant على maternité الآن Regardez le kufr ou l'ilhad, ce que ça veut. Elle est à la maternité, elle est enceinte, elle accouche. Muslima tafrah. La femme muslima, c'est un des moments les plus joyeux pour elle. Elle attend que l'infirmière elle lui donne l'enfant dans ses bras. Wa tafrah, tartah, elle ne veut plus le lâcher. Hatta pour le laver, tata'ab le reprendre. Cette kavira qu'ils ont rapportée, ils ont rapporté hadith al-qissa, elle a tellement qu'elle est fait dhaiq, elle a cette maladie que le Cheikh Saadi cite, elle ne veut pas avoir l'enfant. C'est une maladie, elle a un nom. Nassib, c'est quoi son nom? Le docteur, il la raisonne. Ya Fulana, c'est ton enfant. Elle ne veut pas. Si tu lui poses l'enfant, Rubama le tue, Rubama le. Elle ne voit plus l'enfant. C'est une maladie. Voilà. Son enfant là, c'est quoi qui lui fait ça? Est-ce qu'une femme qui est fi khayr, elle est en paix avec elle-même, elle va rejeter son enfant? Wallah, la outamout. Laquelle? C'est le kufr. Elle est fidèque. Ce moment où elle doit être heureuse, elle doit profiter, elle ne veut plus. Et là, t'as donné, elle fait ça avec plaisir. Là, elle pleure. Et là, qu'elle ne peut pas. Elle dit, n'emmenez pas cet enfant, je ne veux pas le voir. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ma'rouf. قال الأمراض الفكرية والعصبية. On a donné un mital. ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات. صحيح. Ils attendent un niveau. كثير منهم, ils se suicident. والله, بعضهم, ils se suicident. Il est au top, entre guillemets, fit dunya. Il a des voitures, des maisons, des femmes, des. Il n'a pas de problème niveau là, là qu'il se suicide. Il est où le problème là? Il n'y a pas d'iman, il n'y a pas d'amal salih. قال لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. صحيح هذا. C'est quoi? لا يرجو ثوابا, il n'a aucun but. أنت الآن, tu fais des enfants, ولو t'as une maison, ولو t'as quelque chose de dunya, t'as un but, t'ahtasib. C'est pour ça que ça te facilite. T'as une épreuve, t'as toujours le but, t'as la mort, je veux rendre des comptes et j'espère aller vers le Jannah. Al-Mujrim Hada, il n'a pas tout ça. Un petit truc, il lâche tout. Nassallah subhanahu wa ta'ala, salam wa al-afiyah. Ce islam, ce iman, khasatan al-manhaj al-salafi, c'est une ni'ma. T'es fi khayr. Tout ce que t'as vécu, à Dammaj et autres, avec le Hawatha, avec Fulan, avec toutes ces épreuves, t'as gardé ton calme et t'es fi khayr. Un kafir, une petite chose. Une petite chose, Allah, sa vie ne peut plus. Ahmadullah et Al-Inaya Biyadin Ni'ma. C'est la chose la plus importante que tu as. La tartar bi l'amwal, certaines personnes elles sont à l'aise et tout. La tartar. Ta anfa' shay, aham shay, aslah shay fillah, c'est hada tawhid et ce manhaj. Naktafi bi hada al-qadr. Subhanak Allahumma hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين